Bonsoir amateurs de bonne musique, c'est l'émission Terra Incognita à CKRL 89.1 en compagnie de Bruno et de Jean-François. Et ben il sera question de spectacle en bonne partie parce que on est maintenant à 2 semaines du festival Terra Incognita, ça s'en vient vite. Et ben moi, parmi les groupes que j'attends le plus, ben il y a le groupe suédois Moon Safari qu'on a fait jouer dernièrement. Et Marc a fait jouer un extrait de ce disque-là qui s'appelle Blum Job, qui est un album double. Qui est paru en 2008, mais qui contient les pièces phares là, du groupe comme Moonwalk que Marc a fait jouer. Mais il y a aussi une pièce d'une trentaine de minutes et il y en a une qui s'appelle Matusada's Children qu'on va avoir le plaisir d'écouter en début d'émission. Et ben pour moi, et il y aura aussi une autre pièce de leur dernier album qui s'appelle Imlabaken Volume 1, donc ça laisse supposer un volume 2 qui va venir, on sait pas trop quand. Mais moi, ce que j'aime de ce groupe-là, Moon Safari, que j'attends depuis des années, ben c'est les harmonies vocales. Je l'ai déjà mentionné, des harmonies vocales très sophistiquées parce que les 6 musiciens chantent, ce qui donne un résultat qui est unique, là. Je pense que personne ressemble à Moon Safari là, sur la scène actuelle présentement, la scène de musique progressive. Mais ça ne veut pas dire que la musique qui a un fond de folk, mais c'est une musique typiquement progressive. Ça veut pas dire que la musique est moins bonne pour ça. Il y a des envolées spectaculaires. Ben, c'est pour ça qu'on va avoir l'occasion d'en écouter un peu plus à fond ce soir. Parce que moi, j'ai l'impression moi, que ça va être le sommet là, de cette édition là, de cette année. Donc, on va débuter avec cette pièce-là. C'est le deuxième album de Moon Safari. Et ensuite, on passera à Blind Ego avec un disque qui s'appelle Liquid Live. On sait que Blind Ego, le groupe de Kylie Warner, le guitariste de RPWL qu'on a vu justement au festival Terra Incognita il y a quelques années, il fait partie de ce groupe-là, mais il y a aussi son groupe à lui qui s'appelle Blind Ego. Il avait sorti un disque qui s'appelle Liquid, mais ce disque-là fait partie en fait pas toutes les pièces là, mais il y en a 7/9 qui font partie de ce disque-là. Il y a 3 autres pièces supplémentaires et il y a un DVD qui va avec ça. Donc on va en entendre un bon extrait là, qui s'appelle Never Escape the Storm. Donc on débute avec Moon Safari. Thank you. Right. This is real. Everything was in order. Now there are no more rules. So you run for cover, but you'll never escape the storm. Back around, the calm is gone. It's so hard to believe that you just were lying in the grass beneath the scent of spring. Now you run for cover, but you'll never escape the storm. Chaos is everywhere. It's no illusion, it is happening around you. A gentle breeze was placed by a hurricane's face. So you run for cover, but you'll never escape the storm. Look around, the calm is gone. That's so hard to believe that you chose. A gentle breeze was placed by a hurricane's face. So you run for cover, Yeah! William Keller. Now, Kalle, we have to have a serious conversation. 89.1. Du 27 juin au 1er juillet, Québecor présente, en collaboration avec Hydro-Québec et le mouvement Desjardins, la 35e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Sur les bords du fleuve Saint-Laurent, à l'embouchure du fjord du Saguenay, plus d'une quarantaine d'artistes vous attendent. Les Trois Accords, Jean-Pierre Ferland, Marjo, Clopelgag, Tire le Coyote, Pascal Picard, Émile Bilodeau, Kikuna et plusieurs autres. Informations et billetterie sur chansontadoussac.com. Jusqu'au 13 mai, prévente sur certains passeports 4 jours. Une invitation de la bière Belle Gueule. Le 34e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 17 au 20 mai 2018. Au programme, William Parker, Mats Gustafsson, un hommage à Walter Boudreau de l'Infonie à la SMCQ, une soirée japonaise avec Fuse Psychobab, Afri Rampo et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concerts, un circuit d'installation sonore dans l'espace public, 2 programmes de courts-métrages expérimentaux et une exposition d'art visuel. Du 17 au 20 mai 2018, venez vivre l'expérience du 34e FIMAV. Achetez des billets et informez-vous sur le fimav.qc.ca. Blind Ego, qui a terminé ce premier bloc avec une prestation en concert, c'est enregistré au festival Night of the Prog en Allemagne. Ça, c'est pour la partie CD. Pour ce qui est du DVD dont je vous ai parlé tantôt, ça a été enregistré à Hambourg en janvier 2017. Donc, c'est pas du tout le même concert, mais à deux pièces près, là, c'est exactement la même chose. C'est le même contenu. Et juste avant, c'était Moon Safari qu'on a bien hâte de voir au Festival Terra Incognita dans 2 semaines. Et ben ça, c'est pour le dimanche. En fait, c'est pour la clôture du concert de la soirée du dimanche. Mais pour ce qui est du 20 mai, ça va commencer avec les Italiens de Cellar Noise. Ce sera suivi du groupe Aero Station qui comprend le claviériste qu'on a vu. Puis ça va se terminer avec Moon Safari. Et la veille, le 19 mai, Circus de Trois-Rivières, à Madriade de Montréal. Ça va faire du bien de voir Madriade sur la scène du festival Terra Incognita. On se demandait pourquoi on les avait pas vus jusqu'à maintenant. Ben, avec le nouvel album, je pense que c'est de circonstance. Et bien, je pense que Bruno sera très heureux de voir Wobbler samedi le 19 mai. Et le festival débutera le vendredi par Time for Pink Floyd. Donc c'est un gros hommage à Pink Floyd, un groupe de Montréal. Et pour ce qui est des autres concerts, bientôt, c'est-à-dire le 11 mai, il y a Morse Code qui sera à la salle Jean-Paul Tardif. Pour ce qui est du 26 mai, Arena, ça on va y revenir. Et le 9 juin au Cégep Garneau, toujours Marillion Script Revisit, ça c'est le groupe de Mick Pointer qui reprennent cet album-là. Et Prog Story, en supplémentaire encore, le 8 septembre. Et le 10 septembre, Terry Bozio, salle Jean-Paul Tardif, les deux. Et le 3 octobre, toujours à salle Jean-Paul Tardif, IQ. Et pour rester dans les albums en concert, on va entendre Kansas, qui tire très bien son épingle du jeu avec leur nouvel album de prélude implicite. Et ils viennent de sortir un album live qui s'appelle Left Overture Live and Beyond. Donc, on reprend cet album-là au complet. On va entendre la pièce Lamplight Symphony, qui faisait partie au départ de Song for America, leur deuxième album. Et moi, je trouve que le nouveau chanteur, il nous fait pas oublier, évidemment, Steve Walsh, mais je trouve qu'il s'en tire très bien et il y a une très belle lecture de cet album-là. Avec des nouvelles pièces aussi sur le premier disque, il y a 3 nouvelles pièces. En fait, il y en a 2. Puis, ils se fondent très, très bien dans le répertoire là, de Kansas, le nouveau répertoire. Et ensuite, on ira avec Unitopia, qui a ressorti son premier album, qui ont appelé More Than a Dream, The Dream Complete. Et on terminera avec Motor Psycho, de leur album The Tower. Nothing. disappeared. So he was left alone to face another night. And no one in his life had he been so held in awe as he faced the apparition of his wife. Yeah. so much of your life you've got to give. But do you know the way home from here? Tears well up in gloomy eyes as I recall the time that all were silent, souls were torn apart. Hear the voices rising against an unseen foe, terror in the minds and hearts. Vindicate the actions, can't do this anymore. When we gauge reactions, when we're always keeping score, give and take is lost in us, we're always wanting more and more. Justify the things we do to make a better place to live. These things have satisfied both me and you. There's so much of your life you've got to give. Ask the question why I'm here and who are they? And what's been going on? And how could we let ourselves be led to such a place? Who is right and who is wrong? It's the way we live and die in constant state of fear. All we do is cover weakness. Don't shed a single tear. And every waking moment only serves to tell us why there's no second chances here. You come to realize there's more to life than this. A ball of dirt revolving around a distant sun. And everything that happens, happens for a reason. Not some twisted fate or cosmic roll of dice. So now's the time to breathe deep the atmosphere of love and feel the warmth around you and start to look above the horizons of the many. Fears and doubts have cloud an open mind. gray above our heads today. And everyone seems to hold their breath. The wolves are circling, looking for tender prey. The scent's in the air, the smell of death. The War on Drugs? Du 11 au 17 mai, suivez la page Facebook de CKRL et partagez le visuel du groupe The War on Drugs au FEC. Courez la chance de gagner une paire de laissez-passer VIP pour le spectacle du 8 juillet. Les participants seront éligibles au tirage final en ouverture de l'émission Jamais comme tout le monde au Sacrilège le 23 mai prochain. Bonne chance! musique, des sujets passionnés et un soupçon d'envie de communiquer. Eureka! Un nouveau projet d'émission pour la saison estivale de CKRL. Vous souhaitez vous aussi faire vos premières expériences radio? Voici la marche à suivre. Rendez-vous dans la section Proposer une émission sur ckrl.qc.ca et remplissez le formulaire en ligne. Vous avez jusqu'au 7 mai. Premier arrivé, premier servi. Motor Psycho, ça faisait pas mal King Crimson. Moi, je trouvais que ça sonnait un petit peu 21st Century Schizoid Man. Et c'est la pièce-titre de leur album double qui s'appelle The Tower. Marc a déjà fait jouer une pièce dernièrement, là, dans les dernières semaines. Et bien, moi, j'ai pas entendu l'album au complet. Ce qu'on a entendu, c'est un échantillon là, qui vient du site de Progressist. Mais il semblerait que c'est un disque qui serait très, très intéressant, avec beaucoup de styles variés. Et juste avant, une Utopia. Comme je disais, c'est la réédition de leur album More Than a Dream, mais cette fois-là, ils ont appelé ça The Dream Complete, et ils ont sorti ça dans un luxueux coffret là, de 3 disques. Sur le premier, on a l'album original remasterisé avec 2 bonus tracks. Sur le deuxième CD, il y a des remixes, et ce qu'ils appellent des remixes et des reworking. Donc, c'est comme on voit des pièces rework, où il y a des pièces sont carrément nouvelles. Et sur le troisième disque, il y a les 2 pièces qui étaient apparues sur les projets de Colossus qui sortaient sur Musea. Donc, un extrait qui vient de The Story of H.P. Lovecraft, et l'autre, c'est 10 Days in 100 Novellas. Et il y a aussi, ce qui est plus douteux, moi je pensais que c'était une farce, là, mais il y a certaines pièces qui sont marquées entre parenthèses, là, Dance Mix, et effectivement c'est Dance Mix, là, ça je comprends pas trop là, pourquoi est-ce qu'ils ont fait un truc comme ça. Mais en tout cas, ça donne un gros coffret de 3 disques, et ben, si vous aimez une Utopia, ben, je pense que c'est quelque chose à se procurer. Et on avait débuté par Kansas, et bon, j'ai hésité un peu entre 2 ou 3 pièces qui viennent de Prélude Implicite. Ben, c'est 3 en réalité. Mais comme j'ai dit, ça se fond très bien là, dans le style habituel. Là. Et les gars sont en forme. Il y a Phil Ehart qui a toujours été là. À la base, ben, c'est Billy Greer. C'est pas le bassiste d'origine, mais il y a quand même beaucoup de route avec Kansas. Et il y a 2 nouveaux membres, le chanteur c'est Ronnie Platt, qui fait une très belle job, mais c'est dur de faire oublier Steve Walsh. Et David Ragsdale, ben, il est toujours virtuose là, sur le violon. Et ben, ça donne quelque chose de très intéressant. C'est des belles versions. Et c'est quelque chose de très bon. Et pour poursuivre, ben, on a du Moon Safari. Comme je l'ai dit, on va écouter une 2e pièce, mais celle-là, ça vient du dernier album en date, qui date quand même de 2012. Hein. Ça fait un petit bout de temps. Le temps passe vite, parce que j'avais l'impression qu'il était quand même plus récent que ça. Et on ne sait pas s'il y aura un volume 2 éventuellement. J'ai rien vu d'annoncer. Et ben moi je dirais que c'est le meilleur qu'ils ont sorti. L'horreur se peaufine là, et ce disque-là il est très très bon d'un bout à l'autre. Et ce qu'on va entendre, ça s'appelle Mega Moon. Moi je suis persuadé qu'ils vont jouer cette pièce-là lors du festival Terra Incognita. Et j'espère convaincre Bruno avec ça. Bruno me disait que ça ne l'avait pas encore convaincu. Ben, j'espère qu'il va changer d'idée avec cette pièce-là. On va entendre aussi une nouvelle pièce d'Arena. Il y a un disque qui sort bientôt qui s'appelle Double Vision. On va entendre un extrait qui s'appelle The Mirror Lies. Et étant donné que Arena sera dans nos murs, c'est pour bientôt, ça aussi, là, c'est le 9 juin. Le 26 mai, pardon, au Cégep Garneau. Ils vont jouer intégralement The Visitor parce que ça fait 20 ans, donc on va entendre une pièce qui s'appelle The Hanging Tree. Et on terminera par un extrait d'un nouvel album de Tesseract, le groupe anglais, de leur album qui s'appelle Sonder. Donc on débute avec Moon Safari. Thank you.

Thank you. as the land decays, wonder if I could have helped. Maybe I'd have found a way. Poison lies too close to us. Reach across the salt and the sand, moving deeper into the land. 89.1. CKRL, Québec. Pour le meilleur du métal à Québec. Vendredi soir, 22h, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. Dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, qui se tient du 17 au 20 mai 2018, CKRL 89.1 est fier de présenter le concert de Dalava le samedi 19 mai à 15h en première québécoise. Chants traditionnels de la République tchèque et musique inspirée du jazz actuel et du post-rock. C'est un rendez-vous le samedi 19 mai prochain à 15h pour le concert de Dalava à Victoriaville. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez le fimav.qc.ca. Et c'était assez costaud, ce Tesseract. C'est un groupe qui est classé aussi prog metal. Et c'est un nouveau disque qui s'appelle Sonder qui est paru à la fin avril. Donc c'est tout récent. Et juste avant, Arena avec sur l'album The Visitor, The Hanging Tree. Et juste avant, c'était une nouvelle pièce d'un disque qui sortira à la fin mai, et qui s'appelle Double Vision, le troisième, avec le chanteur Paul Manzi. Et on avait débuté avec Moon Safari et Mega Moon. Et on poursuit avec Richard Schoblum, Gunfly, qui vient de sortir un box set là, qui s'appelle Rumbling Box. Et ça comprend tout ce que Richard Schoblum a fait sous le nom de Gunfly. En fait, il y en a qui ont été même rebaptisés, là, comme The Unbendable Sleep. Il est ressorti sous le nom Richard Schoblum Gunfly. Donc, il y a quatre disques là-dedans, dont Cyclomanin, qui n'est pas disponible depuis des années. Et, en fait, les premiers, il n'y en a aucun qui sont disponibles, mais on retrouvait sur son dernier album un disque bonus qui comprenait des pièces de Please Be Quiet et Lamentation. Donc, il y a ces deux disques-là aussi avec des bonus tracks. Et il y a aussi, et ça c'est totalement nouveau, un disque dont je vous fais grâce du titre parce que c'est tout en suédois. Ça a été, c'était prêt en 2015, mais c'est ressorti juste cette année. Je ne sais pas si c'est disponible en solo, là. Mais ce disque-là est totalement en suédois. Puis il avait considéré à l'époque que c'était pas assez commercial, surtout à cause du fait qu'il chantait en suédois. Donc, on retrouve ça dans ce coffret-là. Et ben, même si vous avez tout de Richard Schoblum, en fait, tout ce qui est disponible, ben, ça donne quand même trois disques complets pratiquement là, qui sont nouveaux, dont ce nouveau-là. C'est d'ailleurs une pièce de ce disque-là qu'on va entendre, la pièce Scrogen. Et on poursuivra avec Quantum Fante de leur dernier album Tessellation in Euclidean Space. Ça vient du site de Progressis, ça. C'est des MP3 qui mettent à la disposition des spectateurs. Et ensuite, une bonne petite pièce de Osric Tentacle. Il me semble que ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas entendu. Donc on y va avec ça. On débute avec Richard Schoblum, Gunfly. Låt oss gå vilse i natten. Stor och svart men sval och skön. Nu stiger vi stegen mot skratten. Fart och fläkt och hej vad det går. Kinderna är rosiga och röda. Orkestern spelar i en kamp om livet som för att väcka de döda. Du drar mig från stoj och stim framför och skapar mörkret. Vi vandrar i snårig skog framför och skapar mörkret. Thank you. kyssar och smek, vi leker en lek. Din andedräkt är våt och tung. Vinet vi druckit är borta ur blodet. Kvar finns bara dess lugn. Du tar mig från stoj och stim, framför oss skapar mörkret. Vi vandrar i snårig skog, framför oss skapar mörkret. Kan det då vara så att vi blivit barn på nytt? Varelser framför oss vittnar om tid som flytt. Donc, c'était Osric Tentacle. C'est un album qui s'appelle Introducing Osric Tentacle. Et cette pièce-là, c'est extrait d'un album qui s'appelle... Herb Song, c'est bien ça. Herb Song, et ça date de 1985. Donc, ça, c'est dans l'idée un petit peu de faire la transition avec l'autoroute qui s'en vient, avec Jacques Dulac. Et juste avant, c'était Quantum Fante de leur dernier album, Tessellation in Euclidean Space. On a entendu la pièce Skytopia. Et c'est un extrait, c'est pas la pièce au complet, ça vient du set de Progressist. Et juste avant, c'était Richard Schoblum, Gunfly, du box set là, de 5 disques. Et c'est un album qui est totalement en suédois. Donc, je pense que la langue est quand même assez facile à reconnaître. Donc, ça va être tout pour nous ce soir. On termine avec Morse Code de La Marche des Hommes. On va entendre la pièce Cocktail et c'est pour souligner la venue de Morse Code cette semaine à la salle Jean-Paul Tardy le 11 mai. Donc, bonsoir à tout le monde. Restez à l'écoute pour l'autoroute avec Jacques Dulac. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Le Festival d'été de Québec, du 5 au 15 juillet, vous propose vos artistes favoris, ceux que vous entendez sur nos ondes. Maude Audet.